Donne-moi ton numéro de téléphone et je te donnerai le mien. Mais je t'en supplie, ne le dis à personne car je ne répondrai de rien. Les lumières s'agitent, les gens se bousculent, je ne quitterai pas ta main. Viens plus près de moi, je te dirai tout bas comment tu ne m'oublieras pas. Fais bye bye 2638 sur le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye 2638 sur le cadran et je te parlerai. Mais surtout n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Donne-moi ton numéro de téléphone et je te donnerai le mien. Reste encore une heure, buvons un dernier verre, attendons le petit matin. Les lumières s'éteignent, viens je te raccompagne et je t'appellerai demain. Si tu n'es pas là, crois-moi, je te pardonne, pourtant ne perds jamais le mien. Fais bye bye 2638 sous le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye 2638 sous le cadran et je te parlerai. Mais surtout n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Donne-moi ton numéro de téléphone et je te donnerai le mien. Nous devons partir car le barman s'endort, tu vas sûrement rater ton train. Dehors il fait jour, il faut se séparer, je ne veux pas voir ton chagrin. Sur le quai de gare, si tu as le cœur lourd, pense à me rappeler demain. Fais bye bye 2638 sous le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye 2638 sous le cadran et je te parlerai. Mais surtout n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Fais bye bye 2638 sous le cadran et je te